Vérifiez vos cheveux, j'adore toujours ce truc. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir pour cette webconférence. Alors, comme vous pouvez le constater, pour ceux qui ont l'habitude d'assister à nos webconférences, je ne suis pas dans mon environnement naturel. Je suis en effet très heureuse d'être aujourd'hui à La Rochelle avec mes collègues juristes. Donc ne vous étonnez pas si de temps à autre vous entendez un goéland. On est vraiment juste au bord de la mer et ils ont l'habitude de se poser juste au-dessus sur le toit de nos locaux. Donc, la webconférence du jour est à destination des chefs d'entreprise, des RH et des élus de CSE, puisque nous sommes tous concernés par la gestion du Covid-19 en entreprise et donc par le protocole sanitaire, l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Alors, quelques mots tout d'abord pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaissent pas encore. Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un très grand nombre d'articles sur l'actualité juridique, mais c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une très riche base documentaire juridique rédigée volontairement dans un langage clair. Vous avez également accès à de nombreux modèles de courrier ou de contrat. Mais vous avez également accès donc à notre magnifique équipe de juristes que j'ai juste en face de moi, devant mes yeux, qui répondent à toutes vos questions par téléphone. D'ailleurs, à la fin de notre webconférence, nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de tester notre service en posant votre première question gratuitement à nos juristes. Enfin, Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats partenaires auquel appartient Maître de Matos, avocate au barreau de Paris, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous, Maître, et merci beaucoup d'être parmi nous. Merci Myriam, bonjour à tous. Donc comme Myriam l'indiquait, je suis avocat au barreau de Paris depuis, on va dire, 9 ans. J'exerce en droit du travail et nous allons passer ensemble les prochaines minutes à décortiquer les questions qui sont notamment en lien avec le protocole sanitaire, le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Alors, si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, je vous invite à les poser dans l'onglet Questions, dans la partie située à droite de la vidéo. Et je remercie vivement ma collègue Marine qui répondra donc à vos questions en vous orientant vers des dossiers ou des articles de notre site qui traitent du sujet qui nous occupera aujourd'hui. Alors, si vous avez besoin de plus de conseils juridiques, je vous invite à contacter Maître de Matos, dont vous voyez les coordonnées à l'écran. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions, entre autres au sujet du Covid, mais également en termes de droit social. Alors, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence, comme nous le faisons à chaque fois, afin de vous permettre de nous poser toutes vos questions. Nous les avons transmises à notre invité qui va y répondre au cours de cette webconférence. Comme d'habitude, nous avons prévu 45 minutes pour la durée de cette webconférence et nous essaierons de nous y tenir. Donc, vos questions ont été regroupées sous différentes thématiques. Donc, tout d'abord, le protocole sanitaire en entreprise, dont la dernière version est rentrée en application le 10 septembre. Le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, bien évidemment. Puis nous aborderons les procédures à appliquer en cas de refus de vaccination ou de présentation du test sanitaire. Et enfin, les sanctions en cas de non-respect des règles que le gouvernement a mis en place. Donc, commençons tout d'abord par le protocole sanitaire. Maître, pouvez-vous nous dire quelles sont les grandes nouveautés de cette dernière version du protocole? Alors, vous faites bien de parler de dernière version dans la mesure où le protocole sanitaire, c'est un petit peu comme un logiciel qui évolue au fur et à mesure du temps. Donc, on a une énième version, si je pourrais dire, une V12, 13, comme on l'entend. Mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que nous avons un certain nombre de nouveautés dans ce protocole. Alors, forcément, il y a la question du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale qui sont évoquées. Qui est un nouveau thème, hein. On a des thèmes aussi qui étaient déjà présents dans les anciennes versions, mais qui ont été mis à l'ordre du jour, tels que la question du télétravail, puisque dorénavant, il n'y a plus de nombre de jours imposés pour cette modalité d'organisation. On a aussi la question du traitement des personnes vulnérables, puisque celles-ci, aujourd'hui, elles sont régies par un certain nombre de process par rapport à l'activité partielle, mais aussi par rapport au fait de les faire revenir en présentiel dans l'environnement de travail, parce que, d'une manière générale, hein, c'est quand même, si je puis dire, l'esprit, hein, de ce nouveau protocole, c'est de faire en sorte qu'on arrive à travailler en présentiel tous ensemble, sous réserve évidemment de respecter les règles, qu'elles soient de nature collective ou individuelle. Donc après, on a évidemment un rappel, encore une fois, sur les mesures d'hygiène et de distanciation physique, les moments de convivialité aussi, puisque dorénavant, ça ne fait plus partie des interdictions telles qu'elles étaient posées auparavant. On a aussi la question du masque qui revient, puisque par rapport à la question de la vaccination, du pass sanitaire, on aurait pu se dire qu'un certain nombre de dérogations, en tout cas au port du masque, auraient pu être posées par ce protocole, et on le verra tout à l'heure, ce n'est pas le cas. Et on a aussi la question de la désignation d'un référent Covid qui est intervenu, et la réorganisation également des espaces de restauration collective. D'accord, très bien, merci beaucoup. Effectivement, il va falloir reparler du port du masque, puisque dans les questions reçues, nous avions beaucoup de questions où certains employeurs se disaient qu'ayant 100% de leurs salariés vaccinés, ils n'étaient plus tenus de faire porter le masque dans les locaux. Donc, pouvez-vous nous confirmer que le port du masque est toujours bien obligatoire en intérieur, que les salariés soient vaccinés ou non? Y a-t-il des assouplissements concernant le port du masque en extérieur? Alors, je vous confirme, hein, la réponse qui est effectivement que le port du masque est toujours obligatoire. Alors, ce qu'on nous rappelle d'ailleurs dans le protocole, et c'est un point qui figurait déjà dans les précédentes versions, c'est que le masque, en fait, est une mesure individuelle et que par définition, ce qu'on doit faire prévaloir aujourd'hui, ce sont les mesures de nature collective, qu'elles soient de nature organisationnelle, telles que par exemple les horaires, mais également les mesures matérielles. Par exemple, la pose d'un plexiglas qui va permettre de séparer effectivement les personnes dans un même bureau. Et ça, c'est le principe de base du protocole qui nous dit d'abord les mesures collectives, et si les mesures collectives ne fonctionnent pas, on bascule sur des mesures individuelles. Pour autant, ce rappel-là ne fait pas obstacle au maintien du port du masque qui est obligatoire, peu importe, encore une fois, la question, peu importe le pourcentage ou la question de la vaccination aujourd'hui dans une entreprise, le port du masque est systématiquement obligatoire. Sauf le seul cas où effectivement on tolère qu'il n'y ait pas un masque qui soit porté, c'est la question par exemple des bureaux individuels, où là par définition, si la personne est seule dans son bureau, il n'y a pas de raison de lui imposer un masque. Les autres cas qui sont évoqués également dans le protocole sanitaire sont les spécificités de l'activité, par exemple le travail en atelier. Pour des raisons tout simplement pratiques et qui sont liées à l'exercice de l'activité, le port du masque peut être rendu difficile, mais le cas échéant, ce qu'on impose, et ce qui reste encore une fois la règle de base, c'est notamment la distanciation, et c'est le fait qu'il est nécessaire d'imposer une distanciation d'au moins 2 mètres. Donc, je vous confirme le maintien de l'obligation du port du masque. Pour ce qui est des travailleurs en extérieur, on nous dit également que le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d'incapacité de respecter cette fameuse distance de 2 mètres entre personnes. D'accord, très bien, merci beaucoup. C'est très clair, donc on vaccinés ou non, on garde le masque dans les locaux. Et je peux témoigner que on commence à entendre parler de personnes vaccinées ayant eu les deux doses, qui ont une forme allégée de la COVID-19, mais qui pour autant restent contagieux et peuvent favoriser la circulation du virus. Donc, il faut rester encore vigilant à ce sujet. C'est exactement ça. Et je pense que c'est pour ça que le gouvernement n'a pas voulu prendre le risque de faire tomber en fait l'obligation du port du masque, parce que on a toujours cette incertitude quant à la contamination. Et on l'a vu avec différents variants, que celui-ci parvenait malgré tout à atteindre des personnes qui avaient été vaccinées. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le vaccin permet, alors après, peu importe l'appréciation qu'on peut en avoir, mais le vaccin permet de freiner l'épidémie. Il permet également de faire en sorte que des cas, en tout cas de cas graves de Covid, n'interviennent pas, mais il ne permet pas, en tout cas, de réduire le risque zéro. La seule chose qui permet de réduire ce risque, vraiment en tout cas de s'approcher d'un seuil qui est proche du zéro, c'est la distanciation, ce sont les gestes barrières et le port du masque. Donc à partir de ce moment-là et partant de cette constatation, le gouvernement a fait le choix de maintenir le port du masque comme une obligation dans le cadre du retour en tout cas en entreprise. Très bien, merci beaucoup. Alors, abordons un autre sujet qui a été abordé par bon nombre de nos internautes dans leurs questions. La conduite à tenir vis-à-vis des salariés vulnérables. Pouvez-vous nous préciser ce que dit le nouveau protocole à leur sujet ? Alors, pour commencer, le nouveau protocole fait un rappel sur quelles sont ou pas les personnes qui sont censées être vulnérables. Et donc, il nous pose des conditions qui sont très précises sur la reconnaissance en fait de cette qualité-là. Partant de là, le gouvernement a tenté en fait d'articuler la nécessité de protéger ces personnes avec également la nécessité de les faire revenir en entreprise. Donc, ce qu'il a essayé de faire, c'est de permettre leur retour tout en prenant en considération leur nature. Donc, c'est pour ça que ces personnes-là, aujourd'hui, ce qu'on retrouve en tout cas dans le protocole, c'est le fait qu'elles peuvent être placées en activité partielle si elles disposent, donc si elles remplissent les conditions, et qu'elles disposent par la suite d'un certificat médical. Et la question a été de savoir si, oui ou non, les personnes qui avaient déjà bénéficié d'un certificat médical devaient s'en procurer un nouveau. Et vous avez eu des précisions qui ont été apportées sur ce point et qui nous disent que oui, les personnes qui ont déjà eu ce certificat doivent de nouveau, pour être reconnues comme personnes vulnérables, avoir ce fameux certificat. Donc, à partir de là, la question est: que fait-on de ces personnes ? Donc, en activité partielle, c'est possible. Sinon, et c'est, je pense, à mon sens, quand même en tout cas, un changement qui est assez fort par rapport à ce qui se faisait auparavant, c'est qu'on a la possibilité, en tout cas, on a ouvert la possibilité à l'employeur de prendre au cas le cas et de décider si finalement la mise en activité partielle était en quelque sorte justifiée ou pas. Et s'il estime que la mise en activité partielle n'est pas fondée, il peut, s'il l'estime préférable, en tout cas opportun, saisir le médecin du travail, et ça va être au médecin du travail de décider si oui ou non le retour de cette personne vulnérable en entreprise est possible. Et en fait, le travail finalement du médecin du travail va être de vérifier si la personne va être exposée à de forts risques de contamination, notamment compte tenu tout simplement des locaux et de la manière dont est organisé le travail en interne, et également de vérifier s'il y a bien des mesures de protection renforcées pour ce salarié-là. Alors, à titre de mesures de protection renforcées, on a nécessairement la question de l'attribution d'un bureau individuel. On a aussi, par exemple, l'attribution de masques, non pas de masques classiques, mais de masques chirurgicaux. Donc, le médecin va faire son analyse. Et ensuite, il va effectivement décider ou pas si le salarié qui est dit vulnérable peut reprendre un poste en entreprise. S'il ne le peut pas, le cas échéant, on a toujours cette possibilité de l'activité partielle. Mais sinon, et ça, c'est également un point à souligner, le gouvernement nous a dit, l'employeur doit, dans la mesure du possible, privilégier le télétravail. Donc, en résumé, aujourd'hui, avec les personnes qui ont qui sont en tout cas identifiées comme des personnes vulnérables, on laisse la possibilité quand même de les faire revenir, mais sous réserve d'une garantie suffisante vis-à-vis de leur santé et de leur sécurité. À défaut, on s'orientera soit vers une activité partielle, soit vers un télétravail. D'accord, très bien. Alors, une petite question qui nous a été envoyée. La liste des personnes vulnérables n'a pas évolué ces derniers mois. Alors, vous avez des critères qui sont rappelés hein, dans le protocole. Vous avez notamment le fait de justifier d'un critère de vulnérabilité à la COVID-19 qui est listé dans un décret du 8 septembre 2021. Donc, c'est hors des cas de immunodépression sévère et être affecté à un poste de travail pour lequel l'employeur n'est pas en mesure de mettre en place des mesures de protection renforcées susceptibles d'exposer le professionnel à de fortes densités virales telles que les services hospitaliers de première ligne ou des secteurs COVID-19. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième, c'est être atteint d'une immunodépression sévère telle que définie par l'avis en date du 6 avril 2021 du Conseil d'orientation et de la stratégie vaccinale. Et le DGS urgent numéro 2021-52. Et le troisième point, c'est de justifier d'un critère de vulnérabilité à la COVID-19 listé dans le fameux décret, donc il y a un décret du 8 septembre 2021, et de justifier par la présentation d'un certificat médical d'une contre-indication à la vaccination. Dès lors qu'on est dans l'une ou l'autre de cette situation, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas des conditions cumulatives, mais ce sont des conditions alternatives, on est considéré comme une personne dite vulnérable. Très bien, merci beaucoup Maître. Alors, une autre question qu'on avait déjà abordée lors de précédentes webconférences, mais qui est revenue encore cette fois-ci. Donc, une question émanant, j'imagine, d'un employeur ou d'un responsable des ressources humaines. Peut-on mettre en place un questionnaire pour savoir si nos collaborateurs sont vaccinés ou non? Alors ça, c'est toujours le type de question entre guillemets à risque, à mon sens, parce que on est un petit peu sur le fil du rasoir par rapport à ce que prévoient les textes. Dans la mesure où aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il y a une obligation de contrôle hein, qui est mise à la charge de l'employeur, que ce soit en matière de passe sanitaire ou en matière d'obligation vaccinale, ce qui fait que on autorise, entre guillemets, l'employeur à une certaine intrusion dans la vie privée du salarié. Pour autant, on considère que cette intrusion ne doit pas aller au-delà d'un certain seuil, donc c'est pour ça que c'est encadré, et surtout que ça ne doit pas permettre des abus. Et là, le garde-fou qui intervient tout de suite, notamment quand moi j'entends parler de questionnaire, c'est le RGPD. Puisque dès lors qu'on autorise notamment à faire des questionnaires, et ça veut dire à collecter de l'information, on risque d'être dans la situation où on va mettre en place un traitement qui identifie des gens, donc un traitement de données personnelles qui est soumis à la réglementation RGPD. Donc, aujourd'hui, le texte nous dit collecter des QR codes, en tout cas collecter des résultats. Le résultat en tant que tel, oui. Collecter des QR codes et les conserver, non. Donc, il faudra être très attentif à ça. Et c'est pour ça qu'à mon sens, la question du questionnaire est plutôt, ça basculera plutôt du côté de l'interdiction, notamment par rapport à ces questions des RGPD. Très bien, c'est très clair. Alors, abordons maintenant ces nouveautés de l'été et de ce début d'automne sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Pouvez-vous nous rappeler quels sont les salariés pour lesquels le pass sanitaire doit s'appliquer et quels sont les salariés pour lesquels la vaccination est exigée également? Alors, si vous me le permettez, je ferai peut-être à titre liminaire un petit rappel pour distinguer les deux notions, même si elles se recoupent finalement à un certain point. La question du pass sanitaire a été de dire… Afin de reprendre une certaine vie aujourd'hui sociale notamment, on va donner la possibilité de réouverture de certains lieux sous réserve, encore une fois, qu'on limite en tout cas pour ne pas, enfin sous réserve de poser une condition qui a été celui du pass sanitaire, de manière à ce qu'on garantisse la sécurité des gens qui s'y présentent et qu'on ne fasse pas en sorte de créer des nouveaux clusters et donc limiter, en tout cas, ne pas contribuer à l'expansion de la pandémie. Donc, pour ça, on a créé effectivement la question du pass sanitaire qui est de dire pour accéder à certains lieux, on soumet cet accès à la présentation d'un pass sanitaire. Ce qui n'est pas la même chose, à mon sens, que l'obligation vaccinale, puisque là, ce qu'on dit, c'est que les salariés, dès lors qu'ils rentrent dans la catégorie des salariés qui sont visés par la loi, eux sont obligés de se vacciner. Ce qui n'est pas du tout la même chose, et vous allez me dire, et enfin, on va aborder le sujet, par moment, ça peut se recouper, puisque le fait d'avoir un pass sanitaire, ça signifie, on va dire, pour l'essentiel, en tout cas, en grande majorité, qu'on puisse être, enfin, en tout cas, qu'on a fait l'objet d'une vaccination. C'est vrai, mais ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer les notions, parce qu'on n'est pas sur une même nature d'obligation. Une fois qu'on a précisé ce point, concernant la question du pass sanitaire, donc ce qu'on a évoqué là, c'est qu'effectivement, pour accéder à un certain nombre de lieux, il est nécessaire de présenter le pass. Les lieux en question sont notamment les lieux de convivialité, les lieux d'activité et de loisirs, mais également les transports. À défaut, évidemment, on écarte en tout cas les transports en commun. Ce qu'on dit, c'est que les personnes qui souhaitent se présenter sur ce type de lieu ou utiliser ces transports doivent présenter un pass sanitaire. Et ce qu'on nous dit, c'est que d'une manière générale, les salariés qui travaillent dans ces lieux, sous réserve de certaines spécificités, en fait, eux vont être aussi soumis au pass sanitaire. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas totalement la même chose, même si dans le fond, pour être en pass sanitaire, il faut avoir en quelque sorte avoir été vacciné. Donc, ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Donc, question du pass sanitaire abordée, sachant que, juste, je vais en terminer par ce point, vous avez effectivement quand même des spécificités dans la mesure où on considère, par exemple, que les personnes qui vont travailler dans ces lieux, mais de manière éphémère, ne vont pas être concernées. Parce qu'on considère que ce ne sont pas vraiment des salariés. En tout cas, salariés au sens de la loi, à la mesure où elles ne travaillent pas de manière permanente et exclusive sur ces lieux. Maintenant qu'on a évoqué la question du pass, abordons la question de la vaccination. Là, ce qu'on nous dit, c'est que les personnes, et en premier lieu, ce sont notamment les personnes qui travaillent… Un petit souci technique. Vous ne m'entendez plus ? Allô ? Est-ce que vous m'entendez toujours ? D'accord, parfait. Parce que je vois des réponses sur le côté, on me dit que oui. Mais je n'entends plus Myriam. Alors, je vais peut-être continuer sur ce que nous étions en train d'évoquer. Donc, vous m'entendez très bien ? D'accord, ok. Donc, je vais continuer. Je vois les messages. Je suis navrée de cette petite difficulté, mais ça va arriver. Je pense qu'elle va revenir parmi nous. Ah, oui, vous êtes revenue ? Je suis désolée. On a eu un souci de connexion Internet quelque temps. Ça doit être un goéland. Sans doute. C'est probable. Donc, désolée. Non, je vous en prie. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que pour ce qui est des personnes, effectivement, pour lesquelles la vaccination est exigée, ce sont des personnes qui sont visées par le texte de loi et notamment l'article 12. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il s'agit notamment des personnes qui travaillent dans les établissements médicaux, les professionnels de santé, les psychologues, mais aussi les ostéos, les pompiers, les étudiants, notamment en médecine, qui font des études et qui sont amenés à évoluer dans ces établissements, les employés de maison aussi. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'ils sont en premier lieu dans des liens directs avec les personnes qui les emploient. Ces personnes-là, pour le coup, elles sont soumises à une obligation vaccinale. Et là, on va contrôler que la vaccination, ou en tout cas un équivalent, a bien été effectuée. Alors, à la différence du pass sanitaire, la petite subtilité, en tout cas, enfin, il y en a quand même de nombreux endroits du travail, je pense que tout le monde est au courant de ça, c'est qu'en fait, il y a une période transitoire qui a été posée par la loi de manière à laisser la possibilité en fait aux personnes concernées de se mettre en conformité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fonction des profils effectivement et de l'âge de chacun notamment, on a des obligations qui varient. Ce qu'il faut retenir notamment sur cette question en tout cas de la vaccination, c'est que à compter du 16 octobre 2021, les personnes qui sont visées par l'article en question devront présenter un schéma vaccinal complet. Et encore une fois, le protocole nous le précise, les personnes qui ne sont pas soumises, en tout cas qui ne sont chargées que de tâches ponctuelles au sein de ces locaux, là encore, elles ne sont pas concernées. Pour vous donner un exemple hein, sur cette distinction qui est posée, on nous dit par exemple que les personnes, alors ça c'est plutôt sur la question du pass sanitaire, mais on nous dit par exemple les personnes qui sont amenées à travailler en cuisine, dès lors qu'elles n'ont pas de lien avec les usagers ou en tout cas les clients, elles ne sont pas soumises au pass sanitaire. En revanche, dès lors qu'on est en travail sur terrasse, là on va être soumis. Autre spécificité, les personnes qui travaillent sur de la vente à emporter, là on estime qu'elles ne vont pas être soumises au pass sanitaire. À défaut, elles le seront. Donc, il y a cette petite articulation effectivement sur les spécificités de chacun, comme je disais, entre l'entrée en vigueur pleine du dispositif, l'âge aussi de chacun, puisque vous le savez, la question des plus 12 et des moins de 18, bah, clairement, à partir du 30 septembre, ces personnes-là vont être concernées. La question aussi de l'activité doit être prise en considération, mais en tout cas, la recommandation, c'est de bien déterminer dans quelle situation est-ce qu'on se trouve, soit un pass sanitaire, soit une obligation vaccinale, de manière à comprendre et à bien appréhender l'obligation à laquelle on est confronté. Très bien, merci beaucoup, maître. Alors, en complément de cette première question, deux petits cas pratiques qui nous ont été soumis. Un salarié se rendant chez des clients pour dispenser une formation est-il soumis au pass sanitaire? Et que se passe-t-il quand une entreprise souhaite organiser un séminaire ou une formation dans ses locaux? Y a-t-il des jauges maximales de participants à respecter? Alors, pour moi, le premier réflexe qu'il faut avoir lorsqu'on est confronté à ce type de situation, c'est bien s'interroger tout d'abord sur le lieu, puisque le lieu va déterminer la question, va apporter la réponse sur la question du pass sanitaire. Je prends l'exemple du salarié qui va être amené à faire une formation dans une salle qui va être au sein d'un centre commercial. Là, pour le coup, dès lors qu'il y a un pass sanitaire pour accéder, effectivement, il va y avoir l'obligation d'un pass sanitaire pour lui-même, même pour accéder au lieu. Donc, toujours bien identifier le lieu et avoir aussi en tête, à mon sens, le fait qu'aujourd'hui, notamment dans les lieux qui sont visés concernant le pass sanitaire, on nous dit que les lieux qui correspondent aux foires et salons, aux séminaires professionnels de plus de 50 personnes ayant lieu dans un site extérieur à l'entreprise, nécessitent pour y accéder un pass sanitaire. Donc, j'insiste encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait de réponse en tant que telle qui soit posée dans ce type de situation. Il faut surtout vérifier dans quel lieu va se tenir la formation, de manière à définir si effectivement on va être soumis au pass sanitaire, sachant que par définition, il y a cette particularité qui est visée par la loi et qui nous dit dès lors qu'on est dans un lieu qui est en soi un lieu de foire, de salon, de séminaire professionnel, il y aura un pass sanitaire exigé lorsque ce lieu concerne les personnes de plus de… Enfin, en tout cas, il est ouvert aux personnes de plus de 50. D'accord, très bien. Alors, une autre question que nous avions déjà abordée lors d'une précédente webconférence, mais là encore, c'est une question qui nous a été reposée, donc je vous la reformule. La consultation du CSE est-elle nécessaire et obligatoire pour mettre en place le pass sanitaire dans l'entreprise? Alors, c'est une question très intéressante parce que, comme vous le dites, c'est un sujet, la place du CSE dans l'entreprise et d'une manière générale dans la gestion de la crise a été rappelée un certain nombre de fois au cours, encore une, de l'épidémie et depuis notamment le premier confinement. Et ce qu'on sait aujourd'hui, ce dont on est sûr, parce que ça fait partie également des précisions qui ont été apportées par le gouvernement, c'est que l'employeur doit informer le CSE sans délai et par tout moyen des mesures qu'il souhaite mettre en place, relatives notamment au pass sanitaire, et que ça déclenche la consultation du CSE. Alors, la consultation se fait dans les conditions classiques, c'est-à-dire communication d'un ordre du jour au moins 3 jours avant la réunion et délai pour répondre de la part du CSE d'un mois. Ça, ça ne change pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le CSE doit être effectivement informé. Et d'une manière générale, quand on parcourt le protocole sanitaire, c'est vrai que le législateur a beaucoup insisté, enfin, le gouvernement a beaucoup insisté sur la question du dialogue social. Parce que l'idée, c'est que on sait que ce retour au présentiel est parfois difficile parce qu'il faut effectivement jongler avec un certain nombre d'obligations en termes de sécurité et de santé. Et en tout cas, c'est la réflexion hein, du gouvernement. On se dit que le CSE, d'une manière générale, doit être un acteur majeur dans ce dispositif et qu'il n'est pas là que pour sanctionner ou en tout cas pour formuler des avis ou en tout cas pour... si je puis dire, être pas l'empêcheur de tourner en rond, bien au contraire, ça doit être un allié pour l'employeur pour faire en sorte que cette reprise se fasse dans les meilleures conditions pour tout le monde. Tout à fait. Alors, une autre question qui nous a été envoyée cette fois-ci par rapport aux tests PCR qui ne seront plus remboursés, et l'un ou l'une de nos internautes, je ne sais plus, nous l'a soumise également dans les questions pendant cette webconférence. Donc, à partir du 15 octobre, les tests PCR ne seront plus remboursés par la Sécurité sociale, sauf pour celles et ceux qui bénéficieraient d'une prescription médicale. Qui doit les prendre en charge en cas de déplacement professionnel en train ou en avion? Est-ce à la charge du salarié ou l'employeur doit-il les prendre en charge sous la forme de notes de frais, par exemple? Alors, pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, cette question fait partie des thèmes qui n'ont pas encore fait l'objet de réponses apportées par le gouvernement. Je pense d'une manière générale, hein, et ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on est un peu en réaction à chaque fois vis-à-vis de cette maladie et de cette pandémie d'une manière générale. Et on pose un certain nombre de règles qu'on précise par la suite, qu'on va repréciser. Et cette question, effectivement, des tests PCR, elle est centrale dans la mesure où on a modifié la manière d'appréhender notamment la question des tests par rapport au système qui existait en Europe, et notamment la position du système français, hein, qui était de nécessairement les rembourser quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, il y a une évolution, mais il faut articuler ça avec cette question du pass sanitaire. Et je pense que, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de réponse, à mon sens, hein, mais ça n'engage que moi, dans la mesure où le salarié va être contraint de faire ces tests-là parce que c'est nécessaire dans l'exercice de ses fonctions. À mon sens, ça répond par définition à la définition des frais professionnels et qui doivent être remboursés par l'employeur dès lors qu'il en est informé. Peut-être qu'on aura des précisions hein, par la suite, je ne sais pas, ça ne viendra. Ils vont peut-être, enfin, le gouvernement et les législateurs hein, vont peut-être s'interroger sur ça à partir du 16 octobre, à voir, mais à mon sens, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement, puisque le test en question n'est pas un test de complaisance ou lié à des loisirs d'une personne ou d'un individu, c'est lié à la nécessité qui découle en fait de l'exercice des fonctions. Mais ça découle en fait d'un voyage, effectivement, alors on parlait des déplacements professionnels ou de l'avion, c'est dans la vie de tous les jours, en fait, le salarié en question, il n'est pas soumis au pass, et en fait, l'activité en elle-même ne nécessite pas le pass. C'est en fait une modalité d'exercice de son activité qui l'oblige à un moment donné à se mettre en conformité. Donc, à mon sens, ça devrait être pris en charge par l'employeur. C'est ce qui me semblait également, mais effectivement, nous verrons ce que prévoit le gouvernement. Le 16 octobre, peut-être. Oui, sans doute. Sans doute, comme on est toujours dans la réaction, comme vous le disiez. C'est exactement ça. Ça interviendra très certainement dans les jours qui suivent le 15 octobre. Alors, il nous reste une dizaine de minutes et on a encore 3-4 questions à aborder. Notamment sur les procédures à appliquer en cas de refus de vaccination ou de présentation de tests, de présentation de passe sanitaire, pardon. Quelle est la procédure que doit respecter l'employeur et quels sont les délais pour engager la procédure de suspension du contrat de travail? Alors, c'est le sujet quand même très sensible hein, de la loi, puisque on a entendu beaucoup parler du licenciement sui generis ou pas à mettre en place. Il y a eu quand même une position très claire du Conseil constitutionnel qui est intervenue lorsque la loi a été adoptée. Donc, c'est le sujet sensible. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit et ce qu'on sait, c'est que effectivement, quand on est dans une situation de non-présentation du pass sanitaire, normalement, l'obligation de l'employeur, c'est de procéder tout de suite, en tout cas, c'est de signifier tout de suite au salarié une interdiction d'exercice. Pourquoi ? Bah, compte tenu de son obligation de sécurité résultat vis-à-vis de l'environnement, il ne peut pas prendre de risque de mettre, en tout cas, de laisser continuer un salarié à travailler alors qu'il n'est pas en règle vis-à-vis de sa situation. Ensuite, ce qu'on impose à l'employeur, c'est une question de pédagogie, c'est-à-dire d'explication au salarié. Ça fait partie des obligations qui sont mentionnées dans le protocole, de lui expliquer notamment les conséquences que ça peut avoir vis-à-vis de la suite et vis-à-vis de son contrat de travail. Une fois ce travail-là de pédagogie, je dirais, il y a la question de la suspension. Donc, la suspension intervient, ce qui veut dire quoi techniquement? C'est que le salarié ne travaille pas, d'accord, et que, en principe, il ne sera pas rémunéré durant cette période-là. Passé ce qu'on appelle le fameux délai de 3 jours, en principe, l'employeur convoque le salarié de manière à échanger sur la situation. Alors, le protocole n'impose pas de formalisme en question hein, sur la question de cette convocation. On n'est pas sur une convocation entretien préalable. Ce qu'on nous dit en revanche, c'est qu'effectivement, il faut être en mesure de prouver, en tout cas d'avoir un moyen de preuve qui nous permette de déterminer la date à laquelle a eu lieu cette convocation. Et on recommande aussi, notamment, de mettre par écrit les échanges qui ont pu intervenir entre les parties et les décisions qui ont pu être prises à la suite de cet entretien. Et notamment, ce qui peut être mis en place, alors ce n'est pas une obligation, mais laisser la possibilité aux salariés de régulariser sa situation, notamment en prenant des jours de congé. Ça, c'est parfaitement possible. Ce n'est pas une obligation. Ça n'a pas à être imposé par l'employeur. C'est une possibilité. Autre possibilité qui est donnée, c'est de réfléchir notamment à l'option qui consisterait de déplacer, en tout cas de changer le salarié de poste, notamment pour voir sur un poste qui serait pas soumis au pass sanitaire, avec la particularité qui est de s'interroger sur les changements qui vont être impliqués par ce changement de poste, parce que la législation en tant que telle sur la question de la modification du contrat de travail s'appliquera toujours. Ça fait partie des précisions qui ont été aussi apportées par le gouvernement, c'est-à-dire que si ce changement, cette bascule a des conséquences en termes de rémunération, de durée, de qualification ou de lieu de travail, on est sur la modification du contrat de travail qui devra être formalisée par écrit. Enfin, dernier cas, c'est de vérifier si le poste en question n'est pas éligible au télétravail, puisque le cas échéant, on va essayer, ou en tout cas, ce qu'on recommande à l'employeur, c'est d'éviter de basculer sur une situation de blocage. Donc, c'est pour ça qu'il y a un éventail de situations, en tout cas de solutions, qui ont été mises à la disposition de l'employeur, à lui de voir comment est-ce que la situation évolue avec son salarié. Très bien, merci beaucoup. Et alors, si la situation perdure malgré des tentatives de dialogue et si le salarié refuse de régulariser sa situation, peut-il rester plusieurs mois en suspension de contrat? Est-ce qu'un licenciement est envisageable? Si oui, pour quel motif et dans quel délai? Alors, aujourd'hui, concrètement, on n'a pas, ça fait partie comme... Comme l'autre sujet qu'on évoquait tout à l'heure, on n'a pas de réponse. Dans le sens où on ne nous a pas dit s'il y a une suspension qui dure plus de tant de semaines, vous pouvez licencier le salarié. Ce n'est pas la position qui est aujourd'hui préconisée dans le protocole. La seule chose qu'on nous dit et dont on est sûr, c'est qu'effectivement, la suspension peut intervenir. Elle peut intervenir durant une période qui est laissée, entre guillemets, à la libre appréciation de l'employeur. Et si jamais, à un moment, il souhaite basculer dans le process de la rupture, il peut le faire selon le droit commun. Ce qui veut dire concrètement, c'est que à l'employeur de vérifier, en tout cas de bien prendre les informations concernant la situation, c'est-à-dire soit considérer qu'il va basculer sur le motif qui est l'absence prolongée qui va perturber le fonctionnement de l'entreprise et qui rend nécessaire son remplacement définitif. C'est possible, sachant qu'en jurisprudence, quand même, on considère qu'il faut être en mesure de caractériser une durée d'absence qui est suffisamment longue et surtout le remplacement par un CDI. Si le remplacement par CDD est possible, on ne pourra pas basculer sur ce motif. De la même manière que si le dispatchage des missions peut se faire en interne, là non plus, ce système, en tout cas cette possibilité, ce motif de licenciement ne fonctionnera pas. Autre possibilité, ça sera d'aller tout simplement sur le motif disciplinaire, dans la mesure où le salarié qui refuse, parce qu'encore une fois, on est dans une situation où on a un salarié qui refuse de se conformer à un cadre qui a été posé. Le cas échéant, le refus s'analyse d'un point de vue juridique en une insubordination qui pourra ouvrir droit potentiellement, en fonction des circonstances, à un licenciement pour faute simple, par exemple. D'accord, très bien. Donc, à suivre dans les semaines à suivre, à venir. Oui, mais avec beaucoup de précautions. Encore une fois, oui. J'insiste là-dessus, parce que c'est vrai que la question de la rupture du contrat de travail du salarié qui ne souhaite pas se mettre en conformité avec ses obligations a quand même soulevé beaucoup de débats. Et je pense qu'effectivement, si on a des employeurs qui sont un petit peu, qui se précipitent sur la question de la rupture, aujourd'hui, dans la mesure où on n'a pas de réponse, moi, j'aurais plutôt tendance à privilégier la prudence, encore une fois, avant d'avoir éventuellement des précisions de la part du gouvernement dans les semaines à venir, parce qu'on pourrait se retrouver avec une rupture qui serait retoquée par la suite, notamment devant le Conseil des prud'hommes. Donc, avoir et prudence sur ce sujet. Merci beaucoup pour ces précieux conseils, maître. Alors, autre cas qui se pose, un salarié qui refusait de se conformer au pass sanitaire s'est mis en arrêt maladie. Perçoit-il les IJSS et l'employeur est-il tenu de verser le complément qui lui revient? Alors là, c'est toute la particularité de l'articulation entre l'arrêt maladie qui va être classique et la question de l'arrêt maladie qui va intervenir, mais postérieurement au refus. Si on est dans un arrêt maladie classique, c'est-à-dire, oui, il a formalisé peut-être oralement son refus, mais en tout cas, on n'est pas dans la situation où le refus a été matérialisé. Là, on est dans un arrêt classique qui va ouvrir le droit à des IJSS et au complément de l'employeur. En revanche, lorsqu'on est dans un arrêt de travail qui intervient postérieurement au refus qui a été matérialisé de se conformer notamment à ses obligations. Là, pour le coup, on n'est pas dans la même situation et on va avoir l'ouverture des IJSS, certes, mais le complément de l'employeur, sauf disposition conventionnelle spécifique, n'aura pas à être versé. Donc, c'est pour ça, bien définir dans quelle situation, bien qualifier la situation de départ et notamment, moi, ce que j'appelle la ligne de temps, pour voir à quel moment est-ce que l'arrêt a pris effet et à quel moment est-ce que le salarié a matérialisé son opposition. Voilà, donc tout dépend de la date de suspension du contrat. Tout soit à fait. L'arrêt maladie a eu lieu avant, là, l'employeur doit verser sa part. Si l'arrêt maladie a lieu après, l'employeur n'est pas tenu de la verser. C'est exactement ça. C'est très clair. Alors, donc autre question d'un employeur. Nous avons suspendu un salarié qui n'avait pas de passe sanitaire valide et nous avons appris que pendant sa suspension, il occupait un poste pour lequel le passe sanitaire n'était pas obligatoire chez un autre employeur. Est-ce que c'est légal? Est-ce que le premier employeur a des recours? Alors, là, j'aurais envie d'avoir une réponse qui est un peu plus tranchée. Dans le sens où Covid ou pas Covid, le salarié qui est en arrêt de travail n'est pas censé travailler d'une manière générale. C'est le principe de base, c'est l'illustration de son obligation de loyauté. D'autant plus que ça peut soulever des problèmes avec la caisse, puisqu'il est censé être en arrêt de travail et qu'il est il perçoit déjà des IJSS de la part de la caisse. Donc, d'une manière générale, en principe, qui dit arrêt de travail dit arrêt de toute activité, et c'est d'autant plus vrai si, dans le contrat de travail, on avait des clauses spécifiques de type obligation d'exclusivité, obligation de non-concurrence. Si le salarié, l'employeur B chez qui le salarié va travailler est en plus une entreprise concurrente, ça matérialise une violation de l'obligation de sécurité, une violation de l'obligation de non-concurrence, de l'obligation d'exclusivité. Donc, ça matérialise encore plus de manquements. Donc, à mon sens, non, je répondrai de manière très tranchée, non, ça n'est pas légal. Oui, c'est susceptible d'engager la responsabilité du salarié. Et les recours possibles, c'est la mise en œuvre du pouvoir de sanction de l'employeur qui peut prendre différentes formes, allant de la sanction simple qui peut être l'avertissement ou également, enfin, in fine, le licenciement. Sachant que ce que peut également faire l'employeur, au-delà de tout ça, c'est de diligenter un contrôle et d'en informer la caisse de manière à ce que la situation soit aussi clarifiée sur cet aspect-là. Très bien, merci beaucoup. Alors, je m'excuse, on arrive au terme de la webconférence en termes de durée. Je m'excuse vis-à-vis de nos internautes. Il nous reste juste deux petites questions à voir. Donc, ça ne devrait pas prendre trop de temps, mais je m'excuse encore pour le retard qu'on prend. Donc, abordons maintenant les sanctions en cas de non-respect des règles en place. Quels sont les risques encourus par un employeur qui ne respecterait pas la totalité des règles du protocole sanitaire ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le protocole en tant que tel constitue des recommandations, c'est-à-dire des mesures qui sont préconisées, qui sont reconnues par les autorités sanitaires comme utiles, efficaces pour protéger les personnes contre le risque de contamination au virus. Chaque entreprise est censée appliquer ces recommandations, notamment par rapport à l'obligation de l'employeur en matière de sécurité et de santé. Donc, en tant que tel, si ce sont des recommandations, ça signifie par définition que ce ne sont pas des obligations, en tout cas pas des obligations légales. Pour autant, à mon sens, et compte tenu encore une fois de l'obligation de sécurité qui est, je le rappelle, hein, en droit, une obligation de sécurité résultat de l'employeur. Dès lors que le résultat apparaît, ça signifie en principe que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter et pour se prémunir du risque. Donc, à mon sens, le fait que un risque survienne et qu'il survienne consécutivement au non-respect du protocole sanitaire est une circonstance aggravante qui pourrait engager lourdement la responsabilité de l'employeur. Ça, c'est vis-à-vis de l'employeur par rapport à salarié, voire à l'inspection du travail d'une manière générale. Surtout si l'inspection du travail le souhaite et qu'elle estime, hein, lorsqu'elle se déplace, que la situation est dangereuse, elle peut prendre des mesures telles que la mise en demeure, établir un procès-verbal et demander la fermeture de l'établissement. Donc, vous voyez que en soi, le protocole, c'est vrai, il faut le dire, c'est pas une loi, ce n'est pas une loi, ce n'est pas de la jurisprudence, mais pour autant, son impact est très important en matière de sécurité résultat. Très bien, merci beaucoup. Et enfin, une ultime question qui nous a été soumise. Que risque un employeur qui n'aurait pas suspendu un salarié qui ne dispose pas d'un pass sanitaire valide ou qui ne répondrait pas à l'obligation vaccinale ? Est-ce les mêmes risques encourus ou est-ce que c'est différent ? Alors, les mêmes risques, on va dire qu'il y a des risques identiques, par exemple la fermeture administrative, puisqu'il y a une obligation de contrôle qui est mise à charge de l'employeur et que si celui-ci ne se soumet pas à cette obligation, ça veut dire qu'il fait porter le risque sur les personnes qui fréquentent ce lieu, et notamment les salariés. Donc, il y a un risque de fermeture administrative qui serait prononcé par l'inspection du travail. Il y a un risque aussi de sanctions pénales, puisqu'il y a des amendes qui peuvent être imposées. Alors, l'exemple, c'est la compagnie de transport, hein, telle qu'une compagnie aérienne qui ne ferait pas les vérifications. Il y a des amendes pénales qui sont imposées et qui s'appliquent et qui vont être, il y a une graduation, hein, au fur et à mesure que les manquements se multiplient. J'ajouterai également, et j'insiste lourdement là-dessus, parce qu'en jurisprudence, on l'a vu à quel point les sanctions peuvent être importantes, c'est que ça conforte aussi le salarié à engager la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de l'obligation de sécurité résultat. Et ça pourrait lui permettre à un autre salarié qui constaterait que ses collègues, par exemple, ne sont pas soumis au pass et que l'employeur ne prend pas de décision ou de mesure, ça pourrait, par exemple, justifier, à mon sens, une prise d'acte ou une demande en résiliation judiciaire. Donc, il y a des risques, il y a différentes natures de risques, que ce soit vis-à-vis de l'inspection du travail, que ce soit vis-à-vis du salarié ou voire de risques pénaux. Donc, attention, parce que l'étendue de la responsabilité de l'employeur qui peut être mise en jeu est très, très importante. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Maître. Nous avons abordé toutes les questions que les internautes nous avaient fait parvenir. J'espère à tous que ce format vous aura plu et que vous aurez obtenu réponse à vos questions. N'hésitez pas à contacter Maître De Matos pour tout conseil juridique. Vous avez de nouveau ces coordonnées à l'écran. Et si vous avez besoin d'une simple information juridique, vous pouvez poser votre première question gratuitement à nos juristes. Ma collègue Marine vous transmet actuellement le lien dans la fenêtre de chat. Alors, je vous donne également rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui aura lieu le 12 octobre, toujours à 14h. Nous traiterons d'un thème radicalement différent et malheureusement assez peu traité à mon goût et assez méconnu, celui de la discrimination en entreprise. Donc, c'est un sujet vraiment très, très important dont il faut se saisir tous. Marine est actuellement en train de vous transmettre le lien d'inscription à cette future webconférence dans la fenêtre de chat également. Et n'oubliez surtout pas de nous envoyer vos questions après votre inscription, parce que notre souhait vraiment le plus cher, c'est que ces webconférences répondent à vos questionnements. Et c'est grâce aux questions que vous nous envoyez que nous faisons un contenu adapté à vos besoins. Et c'est vraiment notre vœu le plus cher. Donc, j'invite également les élus à nous rejoindre dans les deux groupes privés sur Facebook ou sur LinkedIn, où nous pourrons continuer les échanges. Là aussi, Marine vous transmet les liens. Et il me reste à vous remercier, Maître De Matos, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. Merci à vous. Merci à vous pour cette invitation et pour ce moment passé à décortiquer ces notions ô combien tortueuses. Et j'espère en tout cas que durant ces quelques minutes passées ensemble, avoir pu vous apporter quelques éclaircissements à tous. Oui, ça je n'en doute pas, Maître. Donc, merci à vous tous d'avoir assisté à cette webconférence. Au revoir et à très bientôt pour notre future webconférence, qui sait. Au revoir à tous. Au revoir.